Au jardin. La bêche. Fac, espéra. Agis et espère. La pioche. Moi aussi. Les fleurs. Fera-t-il soleil aujourd'hui? Le tournesol, oui, si je veux. L'arrosoir, pardon. Si je veux, il pleuvra. Et si j'ôte ma pomme, à torrent. Le rosier. Oh, quel vent! Le tuteur. Je suis là. La framboise. Pourquoi les roses ont-elles des épines? Ça ne se mange pas, une rose. La carpe du vivier. Bien dit. C'est parce qu'on me mange que je pique, moi, avec mes arêtes. Le chardon. Oui, mais trop tard. La rose. Me trouves-tu belle? Le frelon. Il faudrait voir les dessous. La rose. Entre. L'abeille. Du courage. Tout le monde me dit que je travaille bien. J'espère, à la fin du mois, passer chef de rayon. Les violettes. Nous sommes toutes officiers d'académie. Les violettes blanches. Raison de plus pour être modeste, mes sœurs. Le poireau. Sans doute. Est-ce que je me vante? L'épinard. C'est moi qui suis l'oseille. L'oseille. Mais non, c'est moi. L'échalote. Oh, que ça sent mauvais. L'ail. Je parie que c'est encore l'œillet. L'asperge. Mon petit doigt me dit tout. La pomme de terre. Je crois que je viens de faire mes petits. Le pommier au poirier d'en face. C'est ta poire, ta poire, ta poire. C'est ta poire que je voudrais produire.